Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne pour cette émission spéciale. Après avoir accueilli le 24 mars dernier Olga Givernet, députée de la 3e circonscription de l'Ain, étiquette La République En Marche, il était évidemment de notre devoir, équilibre oblige entre deux départements et deux courants politiques différents, d'accueillir Virginie Duby-Muller. Merci d'avoir pris sur votre agenda, Virginie. Bonjour. Alors, c'est pas fini. Deux courants politiques différents, je disais. Député, vous êtes député de la 4e circonscription de Haute-Savoie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec vous, nous allons aborder un certain nombre de sujets locaux, mais aussi plus largement votre regard sur la politique nationale et les objectifs que se donnent les Républicains, dont vous êtes secrétaire départemental, vous me dites si je fais une erreur, de la Fédération Haute-Savoie. C'est bon, c'est absolument. Ça? Absolument. Et secrétaire générale adjointe en charge des fédérations au niveau national. Encore plus haut. Chaque semaine, Virginie, vous faites passer un compte-rendu de vos déplacements, de vos interventions ici comme à Paris. Vous avez beau avoir des collaborateurs ou collaboratrices, on se demande vraiment, vraiment comment vous faites. Nous allons tenter avec Guy de faire un tour d'horizon des sujets qui nous préoccupent tous, qui nous intéressent, parfois qui nous passionnent, le national comme le local, mais d'abord l'accueil du président et ami Guy Catelin. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez dans cette émission du samedi matin. On vous avait reçu, Virginie, le 3 septembre 2016. Ça fait déjà un bail. Hein. C'est pas qu'on n'aime pas vous avoir, bien au contraire, mais c'est vrai que votre calendrier, parfois, est un peu difficile. En tout cas, il y a des choses qui se sont passées. Hein. Lors des élections départementales de 2015, vous obtenez au premier tour 42,74% des suffrages exprimés avec votre binôme Christian Monteil sur le canton de Saint-Julien-Genevois, qui regroupe les anciens cantons de Saint-Julien, Frangy et de Seyssel. Vous êtes élu le 29 mars avec 75,7% des voix. Conformément à vos engagements, vous démissionnez de votre mandat régional le 2 avril. Christian Monteil est réélu président du conseil départemental de la Haute-Savoie et vous, Virginie Duby-Muller, comme vice-présidente chargée des affaires transfrontalières et européennes. Le 3 décembre suivant, vous êtes élue présidente du conseil du Léman pour 2 ans à compter du 1er janvier 2016, succédant à Jacques Méli, président du conseil d'État du Valais. Vous soutenez d'ailleurs toujours, mais vous souteniez à l'époque Nicolas Sarkozy pour la primaire présidentielle des Républicains de 2016. Dans le cadre de votre campagne, vous êtes nommée conseillère politique. Le 2 mars 2017, dans le cadre de l'affaire Fillon, vous rappelez avec d'autres élus le candidat à l'élection présidentielle François Fillon à prendre ses responsabilités et de se retirer. En 2017, vous parrainez Laurent Wauquiez, candidat de la présidence de la LR, les Républicains, et devient sa porte-parole pour la campagne aux côtés de Gilbert Platret. Le 10 décembre, à l'issue du premier tour du Congrès des Républicains, et Laurent Wauquiez est élu président du parti. Le 13 décembre, vous devenez membre de l'équipe dirigeante et vous êtes nommé secrétaire général adjoint des Républicains en charge des fédérations. Dites-moi, depuis 2016, vous avez parcouru un sacré bout de chemin, sans compter tout ce que je n'ai pas évoqué. Et des choses, on pourrait en évoquer. Il y a des cahiers, des pages, j'allais presque dire des livres à écrire sur votre emploi du temps et sur votre engagement. On est là, comme disait Robert, on est là justement pour essayer de voir comment vous voyez la chose politiquement dans notre pays, ce beau pays qu'est la France. Tout à fait. Oui, c'est vrai que les choses sont allées très vite pour moi. J'ai eu des opportunités que j'ai su saisir. Vous savez que je suis une femme engagée, donc je suis partie aux côtés de Christian Monteil pour le canton Saint-Julien-Frangy-Seyssel. Nous l'avons largement gagné et j'ai été fière d'être sa vice-présidente. J'ai dû démissionner au mois de juillet en raison de l'interdiction du cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive. Mais j'ai beaucoup apprécié cette vice-présidence au département de Haute-Savoie en charge des affaires transfrontalières et européennes. Vous savez, ce sont des sujets que je porte. Et puis avec Christian Monteil, je dirais qu'on a la même façon de faire de la politique, à la fois de la proximité, un attachement à notre territoire et puis cette volonté de le faire avancer. Nous avons la chance vraiment de vivre en Haute-Savoie, mais je dirais au-delà dans le secteur que nous connaissons avec l'un de départements qui sont quand même extraordinaires, avec une démographie qui est croissante, avec un taux de chômage qui est quand même bien en deçà des moyennes nationales et régionales. Il faut savoir également que les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie ont les taux d'industrie les plus importants de France. Et cela est aussi lié à notre attractivité et à notre dynamisme économique. Donc ces deux départements finalement sont très proches. Et cela est lié à la fois à notre histoire, au fait bien sûr d'avoir beaucoup investi sur l'industrie. Et je crois que nous pouvons en être fiers. Et en tant qu'élus, nous souhaitons bien sûr continuer à accompagner ce développement du mieux possible. Et en tout cas, c'est ma conception de ma fonction. On n'a pas à se plaindre, en gros, c'est ce que vous dites, par rapport à d'autres secteurs en France, hein, évidemment. Oui, c'est vrai que moi, j'entends parfois à Paris, on nous dit, mais vous êtes des nantis, en gros, ne vous plaignez pas trop. Mais justement, il y a des problématiques spécifiques qui ne sont pas forcément vues de Paris, lorsqu'on voit la cherté de la vie, le coût du foncier, les problèmes de mobilité, les problèmes de qualité de l'air. Eh bien, il faut quand même leur rappeler. Effectivement, on n'a pas les mêmes problèmes que dans le Pas-de-Calais ou dans la Creuse, avec des taux de chômage très élevés, avec une désertification, etc. Mais il y a d'autres difficultés. Et si nous souhaitons pouvoir continuer à accompagner ce développement, il faut que Paris en soit conscient. Et il faut que Paris nous accompagne avec des moyens spécifiques. Et en tout cas, c'est le sens des messages que je porte régulièrement auprès des différents ministères concernés. Vive la Suisse, hein, quand même. Bah, il faut le reconnaître. C'est une chance, je crois, pour notre département de la Haute-Savoie, mais également pour l'Ain et notamment le pays de Gex. Après, effectivement, ça peut créer une forme de dépendance. Ce sont parfois des relations qui sont difficiles parce que nous n'avons pas du tout les mêmes systèmes politiques, un système confédéral pour la Suisse et un système différent en France. Donc pas du tout les mêmes niveaux d'échelon hiérarchique, je dirais, lorsqu'on doit négocier un certain nombre de choses. En France, il faut passer par les ministères des Affaires étrangères, la diplomatie, etc. Même s'il y a des relations locales qui se sont créées avec les élus locaux, mais quand vous avez un conseiller d'État ou un président du conseil d'État à Genève qui est quasiment un ministre avec un élu, par exemple tel que Jean Denais en tant que président du pôle métropolitain, c'est pas forcément du tout le même rapport de force, donc ça peut créer des complications. Et sur les relations transfrontalières, nous, l'interlocuteur privilégié, c'est normalement le préfet de région qui se trouve à Lyon. Donc c'est vrai que c'est pas de nature à faciliter les choses, même s'il délègue en principe au sous-préfet de Saint-Julien en Genevois la possibilité de le représenter sur un certain nombre de sujets. 53 communes. Circonscription, absolument. 53 communes, ça fait beaucoup de monde. Ça fait quand même... Il y a trois cantons, Annemasse, Gaillard et Saint-Julien, pour une population, comme le disait, je crois, tout à l'heure, Robert, de 129 000... habitants. 130 000 habitants. Oui. Il y a de quoi vous occuper, Virginie. Hein. Oui, absolument. Hein. C'est une circonscription importante en termes de population. Moi, je m'efforce d'être présente le maximum possible parce que, pour moi, c'est la façon d'exercer mon mandat, d'avoir cette proximité. Et je dirais que le terrain, c'est aussi un moyen de me nourrir puisque je vais rencontrer mes administrés, les syndicats, des associations qui vont me relayer un certain nombre de difficultés. Donc c'est important, je dirais, d'avoir ce lien avec le territoire. Vous le savez, demain est prévue une réforme constitutionnelle avec une diminution du nombre de députés, de sénateurs et de membres du Conseil économique et social. Et donc cela va avoir pour conséquence de diminuer le nombre de députés et de fait d'avoir des circonscriptions plus grandes. Et moi, cela m'inquiète parce que je pense que cette relation, elle sera plus difficile quand vous aurez des circonscriptions de 200 000 habitants avec des territoires extrêmement vastes. Moi, vous voyez, ma circonscription, elle va de Machy jusqu'à Mantoneix sous Clermont. Donc, c'est à peu près une heure et demie pour aller de part et d'autre de la circonscription. Donc, ce n'est pas évident. Si demain, on l'agrandit encore plus, ce sera au détriment de cet ancrage. Et bien sûr, je le regrette. Ce sera également au détriment des zones plus rurales, parce que ce seront bien sûr les populations qui seront prises en compte pour constituer ces circonscriptions. Et donc, on risque d'avoir des députés qui seront encore plus déconnectés du terrain. Et puis, une autre chose que je regrette, c'est que vous aurez une dose de proportionnelle qui sera instaurée, 15% normalement qui est prévue par le gouvernement actuel. Donc vous aurez d'un côté des députés élus à la proportionnelle, vraisemblablement sur des listes nationales, et de l'autre côté des députés qui seront élus sur des circonscriptions. Donc finalement, vous aurez deux types de députés. Certains qui auront des comptes à rendre à leurs administrés parce qu'ils sont élus sur un territoire, et d'autres qui seront des apparatchiks, qui viendront d'appareils partisans et qui seront là uniquement parce qu'ils sont bien positionnés dans le parti. Donc on aura deux types de députés, mais je ne sais pas comment cela va. Enfin, on pourra cohabiter ensemble, ça va être un petit peu compliqué, d'autant qu'on n'aura pas du tout la même relation avec le territoire. Et c'est aussi un des sujets d'inquiétude que nous ne manquons pas de relayer avec ma famille politique. On a trop de députés, trop de sénateurs. Certains présidents de la République ont essayé de faire sauter le Sénat. Aucun n'y est parvenu. Hein. Oui, en effet, mais je crois que le Sénat, c'est quand même un bon contre-pouvoir. Il représente les collectivités. Il a aussi un rôle, je dirais, avec son expérience. Il est là aussi pour enrichir les textes, et c'est son rôle actuel. Donc, comme l'Assemblée, vraisemblablement, on devrait diminuer son nombre. Moi, je pense qu'il fallait supprimer le Conseil économique et social. Enfin, je l'avais même écrit lors de mon document de campagne. Aujourd'hui, ce sont des gens qu'on essaie plutôt de recaser. Je suis pas sûre qu'il y ait réellement une plus-value. Et puis, les rapports qu'ils peuvent produire sur un certain nombre de sujets, ils sont également faits par les ministères, par les parlementaires, etc. Donc, je crois qu'il faut continuer, bien sûr, ce mouvement réduire le nombre de parlementaires. Moi, j'entends effectivement cette demande, même si demain, avec la réforme qui est voulue par Emmanuel Macron, en fait, on sera le deuxième pays, par le poids des parlementaires en termes de représentation. Donc on ne sera pas non plus, le plus faible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a le moins de députés, entre guillemets, au prorata de sa population. Donc il faut faire attention un petit peu à ces effets d'annonce, mais surtout regarder derrière la relation avec l'administré. Est-ce que cela permet pour la démocratie? Et puis, finalement, cela ne permettra pas aussi de réaliser des économies, parce que la volonté du gouvernement, c'est de le faire à budget constant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que si nous, demain, on a des circonscriptions plus grandes avec moins de collaborateurs, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Mais voilà, du coup, on ne va pas au fond complètement des réformes. Moi, je reviens sur une réforme positive qui avait été portée par Nicolas Sarkozy, qui était le conseiller territorial, qui permettait de fusionner la région et le département. Et là, c'était quelque chose de concret. On diminuait le nombre d'élus. On avait une synergie entre le département et la région. On enlevait aussi une pièce, je dirais, au millefeuille des collectivités, qui est quand même de plus en plus compliquée parce que maintenant, on nous a encore rajouté les métropoles. Donc voilà, je crois qu'il faut aller vers davantage de simplification. Moi, j'entends la volonté de modernisation des institutions. J'entends aussi qu'il y a un vrai sentiment de défiance en ce moment à l'endroit des politiques en général. Ça, on l'a entendu au moment des campagnes présidentielles et législatives, et qui s'est traduit d'ailleurs par une très forte abstention. Oui. Mais je ne suis pas sûre qu'en éloignant les élus de leur territoire, ce soit de nature justement à permettre de combattre cette défiance. Est-ce que, Virginie, est-ce que vous pourriez, dans cet esprit-là, nous donner votre sentiment profond sur le fait de diminuer ces députés? Est-ce que c'est une histoire de budget? Est-ce que c'est une histoire de rassembler effectivement les cantons, de donner plus de pouvoir, en tout cas en diminuant, de donner peut-être un peu plus de pouvoir à celles et ceux qui vont être députés à ce moment-là? Mais avant tout, est-ce que ce n'est pas une question d'économie? Alors, vraisemblablement non, parce que, comme je vous le disais, ce sera a priori à budget constant. Il faut savoir donc que, bien sûr, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron où on avait deux parties. On avait d'une partie la moralisation de la vie politique, donc un texte qui avait été voté au mois de juillet avec notamment l'interdiction des emplois familiaux. Et puis ensuite une deuxième partie avec une modernisation entre guillemets des institutions et la diminution du nombre de parlementaires. Il faut savoir que nous, c'était également dans notre programme, dans le programme de François Fillon et quasiment dans les programmes de tous les candidats à la présidentielle. Nous, ce que nous regrettons, c'est que cette diminution du nombre de députés soit couplée avec la proportionnelle. Voilà. Et que donc, comme je vous le disais, on aura deux types de députés, ce qui n'est pas forcément... Vous ne le voyez pas d'un très bon œil. Et puis, vous savez, le fait d'instaurer 15% de dose de proportionnelle, c'est soi-disant pour mieux représenter, entre guillemets, les petits partis. Mais avec 15%, c'est pas grand-chose non plus. Donc soit il fallait aller au bout. Bon, et là, nous, bien sûr, on y était hostiles. Mais pour le coup, les petits partis auraient quand même été mieux représentés. Là, vous avez entendu M. Bayrou, lui, il voulait 20, 25, 30%. Il voulait beaucoup plus. Ça avait été d'ailleurs un axe de négociation avec Emmanuel Macron en amont. Donc voilà, lui, il a pris cette part médiane à 15%, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses au niveau de l'hémicycle. Et puis, il faut faire attention, parce que dès que vous instillez une dose de proportionnelle, ça peut être de nature aussi à fragiliser les majorités. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Italie actuellement. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles nous sommes un peu inquiets quant à cette réforme, même si on en comprend, je dirais, la philosophie et cette volonté aujourd'hui des citoyens de diminuer leur nombre de parlementaires. Mais attention derrière aux effets induits et surtout ne pas être contre-productif, entre guillemets, et en éloignant à la fois les citoyens de leurs parlementaires et, je dirais, de moins bien représenter les territoires ruraux. On a évoqué, en tout début de l'émission, vous l'avez évoqué, du côté de Paris, on voit notre région, notre agglomération, un peu des nantis, nous disiez-vous. C'est vrai que nous sommes dans un bassin où le plein emploi existe, hein, faut le dire, et où effectivement nous avons aussi une chance énorme, on va dire, c'est que nous avons la Suisse à côté de nous. Et la Suisse apporte beaucoup de travail aux frontaliers. Ces frontaliers que vous défendez bec et ongle, hein. Bec et ongle. Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a un sacré paquet dans notre circonscription. Oui. Dans votre circonscription. Oui, ils sont environ 120 000 hein, sur les deux départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Donc, bien sûr, ils contribuent non seulement à l'économie de nos territoires, mais ils contribuent surtout à l'économie genevoise. Et moi, je ne cesse de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on entend certaines mesures qui vont être mises en place, ce qu'on appelle la préférence indigène light, moi je suis montée au créneau avec les associations qui défendent les travailleurs frontaliers, parce que moi je considère que les travailleurs frontaliers ne sont pas des travailleurs de seconde zone et qui méritent pas un traitement différencié, notamment de la part du canton de Genève. Il y a eu des études économiques qui montrent qu'ils ont vraiment un poids, qu'ils contribuent à la réussite de l'économie genevoise. Donc il faut les considérer en tant que tels, mais pas en deçà et pas comme des citoyens ou des travailleurs différents. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, nous, dans notre bassin de vie, hein, parce qu'il faut dire aussi qu'on parle de vie chère, hein, mais on a un bassin de vie qui est extrêmement cher. Justement, un rapport justement avec ce travail qui était, enfin, ces travailleurs qui travaillent en Suisse, ces frontaliers. Et tout dernièrement, il y a eu un article de presse, il va y avoir une votation pour le SMIC suisse. Plus de 4 000 euros. 4 000 euros, c'est ça. 4 000 euros. Ou 4 000 francs suisses, je ne sais plus. C'est relativement élevé, oui. C'est quand même énorme par rapport à 1 300 et des brouettes en France. C'est vrai, mais le coût de la vie est encore beaucoup plus élevé en Suisse et à Genève. Genève, c'est une ville où le coût des loyers est à peu près équivalent à Londres, c'est-à-dire vraiment extrêmement élevé. Et c'est vrai que vous avez des travailleurs, même avec 3 000 francs suisses, qui n'arrivent à peine à vivre. Parce qu'effectivement, il faut regarder le salaire qui peut paraître très élevé, mais il faut regarder surtout le reste à vivre, ce qui vous reste à la fin du mois, une fois que vous avez payé votre loyer, une fois que vous avez payé vos courses, qui coûtent bien sûr plus cher à Genève qu'en France. Et d'ailleurs, on a beaucoup de Suisses qui viennent faire leurs courses en France. Et qui viennent y habiter aussi. Oui, oui. Et qui viennent y habiter, parce que justement... y habiter sans être déclaré. Ça, c'est un autre sujet, mais parce que justement, le coût de la vie est tellement plus élevé que certains syndicats ont proposé effectivement d'augmenter ce SMIG pour que les travailleurs aient les moyens de subvenir correctement tout en restant en Suisse. Et c'est un vrai sujet qui est parfois passé sous silence parce que c'est vrai que vu de France, si on vous dit que vous gagnez 3 000 ou 4 000 francs suisses, on se dit mais c'est pas possible que vous n'arriviez pas à vivre. Mais ça fait vraiment l'objet de sujets en ce moment en Suisse parce que c'est la réalité de beaucoup de personnes qui sont en couple, qui ont des enfants et qui arrivent tout juste à vivre compte tenu des loyers. Alors c'est vrai que ça peut paraître aberrant de le dire ici en France, mais c'est la réalité. Donc il faut bien regarder, je dirais, le contexte global de la Suisse. Et comme vous le disiez, c'est aussi la raison pour laquelle certains préfèrent venir vivre en France, où les coûts des loyers sont quand même beaucoup moins élevés que la Suisse, où ils auront la possibilité de devenir propriétaires, alors qu'en Suisse, c'est quasiment, pour certains, impossible, absolument. Mais pour certains, quand même, une certaine partie, alors je ne sais pas quelle proportion, de frontaliers, surtout, ne changeait rien pour moi. Je parle de ceux qui bossent en Suisse et qui habitent en France. Vous connaissez bien la problématique. Changeait rien pour moi, tout va bien. J'ai un très bon salaire, j'ai une belle maison. Mais sur le plateau de la Semine ou ici, ne changeait rien pour moi. Oui, oui, oui, bah c'est effectivement ce qui demande, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de modification ni côté français ni côté suisse. Pourtant, c'est le cas quand même. Donc, ils ont eu par exemple la suppression de l'assurance privée et l'obligation donc de s'affilier à la CMU. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures. Le fait aussi de déclarer les frais réels. Vous savez qu'il y a eu des choses aussi qui sont moins intéressantes pour eux fiscalement. Donc, malgré tout, je dirais que leur situation change. Mais en effet, pour eux, ça leur permet quand même d'avoir une situation confortable. Mais moi, je tiens à rappeler que je trouve qu'ils sont très méritants. Enfin, je rappelle qu'ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail en Suisse. Ce n'est pas les 35 heures. L'âge de départ à la retraite est aussi plus loin. Ils ont aussi les contraintes avec les embouteillages, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus dénigrer ces travailleurs frontaliers parce que justement, voilà, ils ont du mérite. Ils sont courageux. Effectivement, bon, bah, ils ont ces salaires qui sont beaucoup plus élevés. Mais aussi, il faut savoir qu'ils consomment en France, qu'ils font appel à des artisans côté français et que c'est bon également pour l'économie locale. Bien sûr. C'est pas du dénigrement que on essaye de comprendre un petit peu la chose et de voir quand même les difficultés qu'il peut y avoir et d'une part en Suisse, et on connaît parce qu'on a aussi des amis suisses qui nous en parlent et qui nous le disent. Et le problème, c'est que le commun des mortels, on va dire, lui, ce qu'il regarde, c'est que le travailleur frontalier ramène de l'argent en France avec d'autres moyens, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un autre niveau de vie. Et c'est un petit peu ça qui quelquefois fait un peu rager, ça peut créer des disparités dans la population, ça c'est clair. Et parfois, entre guillemets, des jalousies, l'entend. Donc il faut faire en sorte quand même de maintenir cette cohésion sociale. Et surtout, les disparités sont d'autant plus grandes dans notre département. Il faut savoir que dans une ville comme Annemasse, vous avez des écarts salariaux qui sont extrêmement élevés. Et ça doit être Annemasse, une des 10 villes de France avec les écarts salariaux les plus importants. La première d'entre elles est en Neuilly. Donc ça, cela nous interpelle. Ça montre qu'effectivement, vous avez des gens qui ont des très hauts revenus dans notre région et d'autres personnes qui vont avoir un SMIC ou moins et qui, eux, vont vivre vraiment dans des conditions très précaires, très difficiles. Donc il faut en être conscient. Il faut aussi avoir ce rôle de solidarité qui est notamment conduit en partie par le conseil départemental. Mais nous avons aussi beaucoup d'associations qui sont là pour aider sur, je pense, à l'aide alimentaire. Vous savez qu'on a la Banque alimentaire qui a son entrepôt à Cranfstal. Eh bien, il faut savoir qu'on a quand même 10% de la population en Haute-Savoie qui pourrait bénéficier de cette aide alimentaire et qui en bénéficie d'ailleurs parce qu'ils ont des revenus très faibles. Donc heureusement qu'on a des systèmes d'assistance qui sont là pour secourir et pour venir en aide à ces personnes parce que eh bien, vivre dans notre région avec un SMIC ou moins, ça peut être très compliqué une fois que vous avez enlevé le loyer, un certain nombre de charges courantes, l'alimentation, etc., que vous avez des enfants. Donc il faut bien sûr être vigilant là-dessus et ne pas voir que le bon côté de notre région. Virginie Duby-Muller, il y a un phénomène justement qui induit, ou je ne sais pas comment le dire, mais il y a un phénomène, c'est le phénomène des fonctionnaires. Alors c'est vrai sur le plateau de la Semine, c'est vrai du côté de la Haute-Savoie, c'est vrai dans le pays de Gex, il y a un espèce de turnover insupportable. On prend la poste, on prend les écoles, impossible de se loger, trop cher. Donc il reste un mois, deux mois, ils voient qu'ils ne tiennent pas, qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc voilà, ceci explique cela en fait. Oui, ça c'est vraiment un de mes combats importants, la prime de vie chère pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre de fonctionnaires qui demandent leur mutation en Haute-Savoie parce qu'ils voient un cadre de vie plutôt agréable, les lacs, la montagne, ils se disent ça va être formidable. Et une fois qu'ils s'installent et qu'ils voient finalement le reste à vivre, ils se disent c'est pas possible, on peut pas rester. Et ils demandent leur mutation et ils repartent ailleurs. Moi, je prends souvent un exemple. Si vous avez un T2 à Annemasse, enfin pour le coût d'un loyer d'un T2 à Annemasse, ça peut équivaloir à une maison dans le sud-ouest. Donc pour certains fonctionnaires qui ont des enfants, enfin, le calcul est vite fait et ils préfèrent améliorer, je dirais, leur qualité de vie. Donc effectivement, pour nous, cela pose des difficultés. Vous avez un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus. Ça va être à la trésorerie de Saint-Julien, ça va être au commissariat d'Annemasse, ça va être dans tous les services publics. Donc cela, il faut être particulièrement vigilant parce qu'il ne faudrait pas que, in fine, cela joue sur la dégradation du service public aux administrés. Et donc moi, je défends cette idée de prime de vie chère qui équivaut environ à 3% de la masse, enfin du salaire, qui serait entre guillemets un petit bonus qui permettrait bien au personnel de se fidéliser et de donner du sens au fait de rester en Haute-Savoie. Je dois d'ailleurs rencontrer le 15 mai prochain Gérald Darmanin, le ministre en charge de la fonction publique. J'ai déjà eu l'occasion d'interpeller Olivier Dussopt, qui est aussi le ministre en charge de ces questions sur ces sujets. Moi, je ne vais pas lâcher parce qu'il y a vraiment des enjeux derrière. Comme je vous le disais, on a un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus et il ne faudrait pas que cela joue et dégrade la qualité de nos services publics pour les citoyens. Donc il faut vraiment continuer à se battre. Je recevais vendredi un syndicat de policiers qui m'a formulé la même demande. Donc c'est un sujet que je continuerai à porter avec mon collègue Martial Sadier. Le préfet de Haute-Savoie est également bien conscient du problème, donc il le soutient également. Et il faut vraiment qu'on arrive à actualiser cette prime de vie chère, parce qu'il faut savoir qu'elle existe déjà dans certains départements, mais qu'elle n'a pas été réactualisée depuis un certain nombre d'années. Mais pour nous, c'est vraiment un sujet qui devient urgent et il faut que le ministère en soit conscient et fasse évoluer les choses, parce que sinon, je pense que les choses vont encore empirer. Se dégrader, oui. Ça ne va pas non plus chercher des milliers d'essences, je suppose. Vous parliez de 3%, mais je ne sais pas, ça ne va pas chercher des essences. Oui, mais c'est-à-dire si c'est 30, 40 euros, c'est-à-dire ça peut être 400 euros à la fin de l'année, c'est quand même un petit bonus qui est appréciable pour le fonctionnaire et qui peut le motiver à rester. En tout cas, c'est une demande qui est très attendue par les fonctionnaires et que je continuerai pour ma part à porter, parce que y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, un salarié du privé, on pourrait prendre aussi l'exemple d'un salarié du privé. Alors, on peut pas avoir cette prime de vie chère parce que là, effectivement, c'est différent. Mais un salarié du privé aussi dans nos secteurs peut avoir des difficultés à se loger et est parfois obligé d'aller de plus en plus loin. On n'a pas parlé non plus du cas des personnels soignants, qui là est encore plus compliqué. Et si on prend les personnels, notamment en EHPAD, vous savez que le secteur de la gérontologie est aussi plus difficile et peut-être moins attractif pour les jeunes générations. Donc là aussi, les hôpitaux sont en train de travailler sur des dispositifs de rémunération spécifiques dans nos régions pour fidéliser le personnel, parce que ce sont des secteurs où il faut une stabilité, où il ne faut pas de la désorganisation des équipes, parce que derrière, cela peut avoir des conséquences très négatives. Vous évoquiez le privé, les bons ouvriers sont formés ici et après prennent la direction de la Suisse. On connaît le phénomène. Hein. Oui. Bien, comme je vous le disais, moi j'ai toujours dit que la proximité de la Suisse était bien sûr une chance évidente pour notre territoire, mais il y a un revers de la médaille, et ce revers de la médaille, c'est à la fois l'engorgement des routes, à la fois ce foncier qui est plus élevé, et à la fois, comme vous l'évoquiez, le fait qu'on ait, je dirais, une fuite, parfois, de certaines personnes qui ont été formées sur nos secteurs et qui partent ensuite en Suisse. Donc ça fait partie des choses négatives, mais il faut qu'on continue à travailler ensemble pour augmenter, par exemple, pour les personnels soignants. Vous savez que nous travaillons sur une école transfrontalière des soins de santé qui permettra donc de former davantage d'infirmières et d'aides-soignantes en France, qui permettra de réduire le différentiel et qu'on ait moins, entre guillemets, cet effet d'aspirateur vers la Suisse, qui est le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on trouve davantage de solutions, mais quelque part, ça montre qu'on a des bonnes formations, que ce soit dans la microtechnique, parce qu'on a beaucoup qui vont travailler dans l'horlogerie. On a des difficultés, comme je disais, dans le secteur donc hospitalier, dans le secteur du décolletage aujourd'hui, c'est le cas également. Mon mari travaille dans le secteur. C'est plutôt une période, qui est bonne pour l'économie du décolletage en ce moment. Ils n'arrivent pas à recruter du personnel. Ça, c'est aussi une autre difficulté, une autre spécificité sur notre secteur. Vous évoquiez un taux de chômage quasiment incompressible, 6,7%, et on a des secteurs qui peinent à recruter. Oui. C'est le cas dans l'industrie, c'est le cas dans l'hôtellerie-restauration, c'est le cas, on le disait, chez les infirmières ou chez les fonctionnaires. Donc c'est quand même une situation assez atypique au regard de la situation nationale. Est-ce que ce sont des travaux manuels en définitive ? C'est ceux qui sont les plus précaires, en tout cas que les gens ne veulent plus faire du travail manuel aujourd'hui. C'est vrai. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est toujours une question de mentalité. Hein. C'est vrai que ça fait des années qu'on en parle sur ces métiers manuels qui ne sont pas suffisamment valorisés, sur les formations en alternance qui ne sont pas non plus valorisées par l'éducation nationale et qui sont encore considérées souvent, malheureusement, comme des voies de garage, et je dirais de, pas à juste titre, parce qu'aujourd'hui, vous avez, je crois que les 80% du bac pour une classe d'âge, effectivement, ça a peut-être été une bonne chose, mais quand on voit les échecs ensuite à l'université, il faut se poser les questions, et ensuite, surtout, les problèmes d'insertion professionnelle. Alors que si, en amont, on avait une meilleure orientation et qu'on encourageait beaucoup plus de jeunes qui, pour lesquels, je dirais, l'éducation nationale traditionnelle n'est pas forcément adaptée, en les orientant vers ces systèmes en alternance pour lesquels il y a justement des postes à pourvoir, eh bien, les choses iraient beaucoup mieux. Aujourd'hui, vous avez des CFA, vous avez des maisons familiales rurales, vous avez tout un réseau qui est particulièrement performant, qui permet non seulement aux élèves de raccrocher justement avec le système scolaire, parce que dans 80% des cas, ils obtiennent, même parfois 90-95% des cas, ils obtiennent leur diplôme. Et souvent, dans les 3 mois, ils trouvent un emploi. Oui. Donc je crois que ce sont ces chiffres qu'il faut valoriser. Et puis, ça permet à ce jeune d'avoir de la reconnaissance, d'être valorisé. Mais en France, on a encore cette image négative qui n'est pas du tout le cas, par exemple en Suisse, où l'alternance se fait pour tous, même de façon plus jeune, et dans les mœurs. Donc il faut continuer ce travail en France. D'autant que pour un certain nombre de métiers manuels dont vous parliez, eh bien, il y a de véritables débouchés. Il y a la possibilité aussi de très bien gagner sa vie. Je pense à un plombier, par exemple, aujourd'hui. Souvent, le plombier aura commencé en alternance. Il aura travaillé dans une entreprise. S'il est un peu dégourdi, s'il a envie de lancer sa propre entreprise, il le fera. Et il deviendra chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils gagnent très bien leur vie. Donc voilà, ce genre d'exemple qu'il faut continuer à promouvoir, à valoriser. Et considérer que les jeunes, les étudiants appréhendent, je dirais, l'école différemment, et il faut considérer ces parcours particuliers et les accompagner, et arrêter de vouloir absolument les emmener au baccalauréat et ensuite à l'université, avec les échecs qu'on connaît aujourd'hui et les difficultés d'insertion professionnelle derrière. Moi, c'est bien de laisser la liberté aux jeunes de faire de la sociologie, de faire de l'anthropologie, mais si derrière, vous n'avez pas d'emploi, à quoi cela sert, finalement? Mais est-ce que ce n'est pas faute à l'éducation nationale? Je ne sais pas, je ne vais pas jeter la pierre non plus comme ça, mais les jeunes, faut leur ouvrir comme ça, tout un état. Voilà, il n'y a pas que la fac, il n'y a pas que ci, il n'y a pas que là. Il faut aussi valoriser ces métiers manuels. Ce n'est pas l'éducation nationale de faire passer le message? Alors oui, alors aujourd'hui, je crois qu'il y a des difficultés sur l'orientation en amont, qui n'est pas forcément bien faite par les personnes qui sont censées s'en occuper. Il y a aussi, je dirais, une méconnaissance du monde de l'entreprise. Et il est important qu'il y ait davantage, je dirais, de liens entre les enseignants et les entreprises, parce que parfois, eh bien, ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'est la réalité d'une entreprise, comment elle fonctionne, etc. Et du coup, ça ne les incite pas à dire, vous pourriez après tout travailler comme dans tel ou tel secteur. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont faites, souvent par les syndicats ou par les chambres des métiers, pour que des entrepreneurs aillent présenter leur métier dans les collèges. Et ça, je trouve que ce sont des bonnes opportunités. Par exemple, la CAPEB le fait pour les métiers du bâtiment. Vous avez aussi le MEDEF qui fait venir dans ces entreprises des classes avec leurs enseignants. Et souvent, quand ils ressortent, ils disent c'est pas du tout l'image de l'entreprise qu'on avait. Je voulais citer aussi l'exemple du SMILE. Vous savez qu'il y a un salon qui a été lancé en Haute-Savoie, le salon des métiers de l'industrie. Et l'idée, c'est de revaloriser justement l'image de l'industrie. Parce que encore souvent, on a l'impression chez certaines personnes, lorsqu'on leur dit « est-ce que vous voulez travailler dans l'industrie ?», qu'ils s'imaginent que c'est germinal, que c'est sale, que c'est... Alors que les choses ont évolué. Aujourd'hui, dans une entreprise de décolletage, je peux vous dire que c'est très propre, que les salariés travaillent sur des commandes numériques, et que donc, il faut faire évoluer cette image pour susciter justement des vocations. Et ce salon Smile qui a été donc lancé pour la première fois en Haute-Savoie va être lancé également dans d'autres départements. Et l'idée est de reconstituer une entreprise et de montrer que voilà, il y a un service marketing, il y a un service production, il y a un service comptabilité, comment ils travaillent ensemble, etc. Ça permet à l'enfant, enfin au collégien en l'occurrence, de se projeter, de voir qu'une entreprise, c'est une entité quand même complexe, que lorsque vous dites « je travaille dans l'entreprise », ben, ça peut être à la fois sur le secteur entre guillemets plus productif ou le secteur plus administratif, financier, RH, etc. Donc je trouve que ce sont vraiment des bonnes initiatives qui permettent d'avoir une forme d'immersion et justement aux jeunes eh bien, de préparer mieux son orientation et de mieux préparer son avenir. Quand il sait ce qu'il veut faire, parce qu'il y a aussi... C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident, ils sont encore jeunes, et quand vous avez 12, 13, 14 ans, de savoir précisément ce que vous voulez faire, ce n'est pas évident. Et je crois qu'il faut aussi faire des stages. Les stages, ce sont des bons moyens de savoir ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Vous ne trouvez pas que le métier d'apprentissage, je dis le métier parce que c'est un métier en définitive, le métier d'apprentissage a disparu en France. Il n'y a presque plus d'apprentis. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais arpète, on appelait ça des arpètes. Donc, on avait pendant un an ou deux, on regardait ce qu'on faisait, on balayait, on machinait, on regardait. Et on a appris le métier comme ça. Oui. Alors, quelquefois, sans aller, comme on le disait, passer des bacs ou des trucs ou des machins, il y a des MFR qui existent et qui ont des difficultés, justement, parce que le travail manuel a tendance à disparaître. Les jeunes n'en veulent plus parce qu'ils croient que maçon, aujourd'hui, ou peintre en bâtiment, c'est plus les peintres en bâtiment qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans. Il y a une évolution pas possible. Moi, je trouve que dans ces affaires-là, par exemple dans les MFR, je trouve qu'on, gouvernement ou politique, ce que vous voulez, je trouve qu'on n'aide pas assez ces maisons familiales et rurales. On devrait leur venir plus en aide parce qu'elles ont d'énormes difficultés. J'en parle parce qu'on est dans un arrondissement qu'on connaît bien, la MFR de Franklin, pour pas la nommer. Sur les métiers du bâtiment, Ils font le métier du bâtiment ou c'est une maison. Mais le nombre d'apprentis décline. Il diminue comme c'est pas permis, quoi. Mmh. Et je veux dire, et on n'aide pas. Enfin, j'ai pas l'impression que les politiques s'intéressent vraiment à ces cas-là. Alors, on revient toujours sur le problème de l'image et comment on fait en sorte que ces jeunes aient envie justement d'aller faire vers ce type de formation en alternance. Il y a aussi aujourd'hui aussi de plus en plus de difficultés pour ces jeunes à trouver des entreprises et des maîtres d'apprentissage. Ça, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une vraie galère, c'est vrai. Et on en a beaucoup parfois qui sont obligés de renoncer à leur formation parce qu'ils n'ont pas trouvé de maître d'apprentissage. Et ça, c'est aussi une des difficultés. Et pourquoi on a de moins en moins d'entreprises qui ont l'envie? À la fois, il y a des raisons financières, parce que vous savez qu'il y a des dispositifs de l'État qui peuvent aider justement les entreprises et que ces dispositifs ont eu tendance à diminuer. Il y a aussi, je dirais, la question des contraintes réglementaires. Quand aujourd'hui, vous savez qu'un jeune ne va pas pouvoir utiliser certains outils de coupe, qu'il ne va pas pouvoir monter sur un escabeau, etc., le maître d'apprentissage, il va vous dire « Mais attendez, moi, si c'est pour qu'il me regarde faire, il n'y a pas d'intérêt. » Et c'est vrai que le jeune, pour que ça lui apporte quelque chose, il faut qu'il exerce et qu'il pratique exactement et pas uniquement qu'il regarde ce qui se passe. Donc là aussi, je dirais, parce que ce sont souvent des règlements européens qui nous imposent cela, qu'on facilite justement les choses dans les entreprises, qu'on n'aggrave pas, je dirais, les contraintes réglementaires qui sont de nature justement à décourager les maîtres d'apprentissage pour recruter des apprentis, alors que, moi je dis, c'est du gagnant-gagnant. Enfin, et pour le maître d'apprentissage, c'est transmettre ses savoir-faire. Pour le jeune, c'est acquérir aussi cette expérience. Et derrière, surtout, c'est la possibilité d'être opérationnel très rapidement, parce que vous avez été dans une entreprise, vous connaissez la façon de travailler concrètement et vous êtes opérationnel tout de suite. Donc il y a un vrai intérêt également pour l'entreprise, mais il faut vraiment qu'on travaille sur la valorisation de ces métiers, qu'on travaille davantage aussi avec l'éducation nationale pour que lorsqu'un jeune a envie de travailler, de devenir peintre, de devenir plombier, etc., on n'aille pas dire à ses parents que c'est un échec ou quelque chose comme ça, ce qui est encore malheureusement parfois le cas. Et certains découragent les parents, alors qu'au contraire, ils devraient l'accompagner et lui dire, après tout, pourquoi pas, c'est son choix, il faut le soutenir. Et puis, il y a des débouchés, et puis il y a des perspectives. Et il y a aussi des perspectives d'évolution de carrière pour peu que le jeune ait envie et soit dégourdi. Vous avez raison sur le fait que quelquefois, l'éducation nationale, quand il parle aux parents, quand il parle aux jeunes, vous allez faire la fac, vous allez faire ceci, là, au pire... vous irez en MFR. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. C'est des discours qui sont... C'est insupportable, ça. Oui, tout à fait, oui. C'est pas possible. Enfin, voilà, il faut reconnaître que chaque étudiant, chaque enfant est différent et que certains ont des facilités, sur les méthodes classiques d'enseignement et d'autres ont besoin, au contraire, de développer l'intelligence de la main ou d'autres compétences. Donc il faut reconnaître cette différence et ne pas les dénigrer en amont et ne pas décourager les parents lorsque leur enfant a un projet différent, comme vous disiez, de la voie classique ou de la voie académique. Et quelquefois, quand les jeunes se débrouillent bien, qu'ils font des stages en entreprise, si ça se passe très bien, un an ou deux ans après, ils sont embauchés dans cette entreprise parce que déjà, ils connaissent tous les routes. Exactement. En fait. Et ça, je trouve, c'est une belle réussite, exactement. Et c'est une très belle réussite. 130 000 habitants dans ces trois, comment dirais-je, cantons. Il y a forcément des problèmes de logement, forcément des problèmes de solidarité. Enfin, j'allais dire tout un tas de choses. On va commencer par le logement. Quelle solution pour ces logements qui sont parfois des fois précaires ou qui n'existent pas? Comment faire pour satisfaire un peu tout le monde? Alors, il faut savoir que sur la Haute-Savoie, justement, nous avons à peu près 22 000 demandes de logements sociaux non satisfaites. C'est un chiffre qui était extrêmement élevé. Dans des communes telles qu'Annemasse, il faut savoir qu'un logement social, c'est plusieurs années pour l'obtenir à partir du moment où vous êtes inscrit sur le fichier départemental. Donc, c'est en effet une difficulté. Pour autant, il faut savoir, je dirais qu'il y a eu une volonté de toutes les collectivités pour construire des logements sociaux, d'autant que la loi, vous savez, a augmenté le taux de logements sociaux, le passant de 20 à 25%. Donc nous avions du retard, il faut le reconnaître, sur un certain nombre de communes, mais elles font un certain nombre d'efforts. Et il y a un travail qui est fait avec les bailleurs sociaux pour construire. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en ce moment en cours. Il faut savoir que le conseil départemental, notamment, accompagne sur ces logements sociaux. Il y a l'État. Donc il faut bien sûr continuer à produire ces logements sociaux et à offrir, je dirais, des solutions qui soient différentes dans le parcours résidentiel, parce que vous avez différents types, vous savez, de logements sociaux. Ça va du PLS qui peut concerner les fonctionnaires, au PLAI, c'est ce qu'on appelle les logements ultra aidés pour les personnes les plus en difficulté. Donc il faut, je dirais, proposer un panel de solutions de logement différentes. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, dans les communes justement qui ne respectaient pas la loi SRU, vous avez ce qu'on appelle de la mixité. C'est-à-dire que dans les programmes privés, vous allez avoir du logement social. Ça se fait de plus en plus, mais ça permet, je dirais, d'essayer, entre guillemets, de rattraper ce retard. Mais aujourd'hui, vous avez ces programmes de mixité également dans des projets privés. Donc bien sûr, il faut continuer à essayer d'accompagner le logement. Moi, je ne vous cache pas que c'est souvent la préoccupation principale de nos concitoyens. Le département, je crois qu'il est particulièrement présent là-dessus. Nous avons aussi une des difficultés, c'est justement parce que Genève n'a pas construit. Vous savez que nous avons eu des projets d'agglomération avec, chaque partie avait des contraintes, enfin des engagements, pardon, à remplir. Pour schématiser, on va dire que la France, c'était l'économie et la Suisse, c'était le logement. Et la Suisse n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris. Et comme on l'évoquait précédemment, nous avons beaucoup de personnes suisses ou de frontaliers qui logent en France. Et du coup, je dirais, ça aggrave encore un petit peu plus ce problème de logement. Donc aujourd'hui, bien sûr, ça reste une préoccupation principale. Les choses aussi ont évolué parce que vous savez que désormais, la construction est encadrée par des documents d'urbanisme pour éviter le mitage, pour éviter que vous ayez des choses qui se construisent de partout pour préserver nos espaces agricoles. Et que la volonté aujourd'hui, c'est de concentrer davantage sur les centres-villes, sur les centres-bourgs, et puis de garder, bien sûr, et de préserver tous nos espaces ruraux ou agricoles que l'on peut avoir et qui sont aussi une richesse pour notre département. mais éviter ce qui avait été fait à un moment donné où vous aviez voilà, des maisons qui étaient construites de partout avec des trous, etc. Et ça, malheureusement, c'était ce qui s'est passé pendant un certain nombre d'années avant justement que ces documents d'urbanisme encadrent les choses et les formalisent de façon plus claire. 22 000 demandes, vous disiez, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. C'est énorme. Oui, oui, c'est à l'échelle du département, c'est effectivement énorme. Et souvent, moi, j'ai des recruteurs, lorsqu'ils recrutent quelqu'un qui vient d'une autre région, hein, parce que c'est souvent le cas, ils vont lui dire, est-ce que vous vous êtes occupé de votre logement ? Est-ce que vous avez un peu regardé ? Et les gens n'en ont pas conscience lorsqu'ils viennent d'une autre région, parce qu'ils imaginent que ça va être très facile de se loger, ou que les coûts vont être, on va dire, comme ce qui existe sur le reste de la France. Sauf qu'en Haute-Savoie, aujourd'hui, on est sur des niveaux quasiment équivalents à Paris, hein, quand même, quand vous voyez le coût du logement ou du locatif. Donc, ces personnes, lorsque le recruteur lui dit « Mais est-ce que vous avez regardé le coût du logement ?» et que la personne regarde un petit peu, creuse, et se rend compte que non seulement ça va être difficile de trouver un logement, mais que le coût est élevé, et ben souvent, ils ne continuent pas, enfin, ils ne vont pas au terme de la demande de recrutement. Et ça, c'est un vrai sujet aussi en lien avec l'économie. On évoque aussi des gens qui viennent d'ailleurs, hein, et justement, ces gens qui viennent d'ailleurs, par rapport aux demandes de titre de séjour et de naturalisation. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, sur les titres de séjour, bon, faut faire la part des choses entre les personnes qui sont là en situation régulière et irrégulière. Les naturalisations, bien moi, je pense que c'est une bonne chose à partir du moment où vous vivez en France et que vous avez envie de prendre la nationalité. C'est une démarche importante qui montre votre attachement justement à la France, à la République française, à ce pays qui vous a accueilli. Moi, je participe régulièrement aux cérémonies de citoyenneté qui ont lieu en sous-préfecture. Et c'est toujours un moment particulièrement émouvant. Vous avez des personnes qui ont des origines différentes et qui ont souhaité faire cette démarche d'entrer dans la nationalité française, d'accepter les valeurs de notre pays. Et moi, je trouve que c'est une démarche plutôt positive. Ce sont des personnes qui ont envie de s'insérer, qui auront ensuite la possibilité de voter. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Après, vous avez bien sûr beaucoup de personnes qui sont là aussi sur d'autres statuts. Il y a des personnes bien sûr en situation irrégulière et on en a beaucoup dans le département étant donné qu'on est en zone frontière. On a notamment l'Italie qui est pas très loin, qu'on est aussi une région attractive, donc on a pas mal de personnes qui souhaitent s'y installer. Vous savez qu'il y a un texte qui a été examiné à l'Assemblée nationale, Asile et immigration, qui traite beaucoup de la question du droit d'asile. Il faut savoir que ce droit d'asile a beaucoup augmenté, enfin les demandes en France, à peu près plus de 100 000 l'année dernière. Mais que vous avez beaucoup de personnes donc, qui ne vont pas obtenir finalement de titre de séjour au titre de l'asile, mais qui resteront en France en situation irrégulière. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cela l'enjeu, c'est-à-dire comment on fait en sorte de reconduire ces personnes aux frontières, parce que cela pose un certain nombre de difficultés. Moi, vous savez, j'étais au Canada il n'y a pas longtemps avec Damien Abad. Ils ont un système d'immigration particulier, ce qu'on appelle une immigration choisie, avec tout un système de points. Et je crois qu'il faut peut-être s'inspirer de ce qui est fait dans ce pays, où vous avez une immigration qui est choisie en fonction des besoins économiques, en fonction des compétences des personnes, comme ça a eu été. Moi, je suis bien consciente qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans leur pays, qui subissent des menaces, donc c'est le cas des réfugiés politiques, etc. Et puis, vous avez des personnes qui veulent venir dans notre pays pour d'autres raisons, mais je crois qu'on... C'était Michel Rocard qui l'avait dit à une époque, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tout à fait. Et dans un contexte tel que c'est le cas aujourd'hui en France, je crois qu'il faut justement limiter cette immigration parce que cela pose ensuite un certain nombre de difficultés et nous n'avons pas forcément les moyens derrière d'accompagner ces personnes. Et ce n'est pas, même pour moi en tant qu'élu, ce n'est pas satisfaisant de voir des personnes qui vont être en situation irrégulière, mais qui vont vivre dans la rue ou qui ne seront pas accompagnées. Enfin, on ne peut pas non plus accepter cela. Et je crois au contraire qu'il faut continuer à accompagner les dispositifs d'aide au développement et de faire en sorte d'aider les pays, notamment africains, de les accompagner dans leur développement pour faire en sorte eh bien, que ces personnes restent dans leur pays et contribuent au développement de leur pays. Aujourd'hui, cette aide publique au développement, c'est 0,3% du PIB. Je crois qu'il faut vraiment faire en sorte de l'augmenter pour aider ces pays, aider à leur développement. Et ce sera un moyen, je dirais, en amont, de réduire ces flux migratoires qui viennent vers notre pays. Et cette question des flux migratoires, il faudra aussi la gérer, bien sûr, davantage à l'échelon européen, parce qu'on voit bien aujourd'hui que la France seule ne peut pas le faire. On est dans un espace désormais de libre circulation, mais cela pose quand même un certain nombre de difficultés, surtout dans un contexte terroriste. Et je crois qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez des personnes qui vont arriver en France sous couvert migratoire ou sous couvert en disant que ce sont des réfugiés politiques, mais vous en avez certains qui reviennent de Syrie ou autre et qui ont été faire le djihad. Et il faut faire attention à ces personnes qui reviennent et qui auraient des projets à l'endroit de notre pays et de ses citoyens et des valeurs que nous pouvons défendre, je dirais, au niveau international. Mais par rapport à ces flux migratoires, quand un pays est en guerre, on peut comprendre. Bien sûr. On peut comprendre ces familles qui partent là. Mais à bien pied, sûr. Enfin, voilà. Moi, je pense à des familles. Il y a une famille syrienne en particulier que j'ai pu aider. C'était parce qu'ils étaient kurdes et que justement ils subissaient des menaces. C'était des gens qui vivaient très bien en Syrie. Ils ont dû tout abandonner. Donc j'étais pas du tout insensible, bien sûr, à leur situation. Il y avait des enfants. Ils ont dû tout abandonner sur place. Donc ça, on peut l'entendre, mais on peut pas non plus accueillir toutes ces personnes. Alors le cas de la Syrie est encore particulier parce que le pays est en guerre. Vous avez aussi des communautés qui peuvent faire aussi l'objet de menaces dans d'autres pays du côté de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc il y a vraiment des sujets spécifiques, mais comment on peut les aider, c'est plus compliqué. Et comment on fait en sorte que ça ne pose pas davantage de difficultés dans la population française, ce qui peut parfois être le cas. Vous voyez, je prenais aussi l'exemple des mineurs non accompagnés. Oui. Ces mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes qui viennent souvent de pays qu'ils ont dû fuir. Donc ils arrivent en France et comme ils sont mineurs, le département doit en prendre la responsabilité, puisque vous savez que le département a comme compétence la protection de l'enfance. Il faut savoir que ce nombre a énormément augmenté ces dernières années, que cela a aussi un coût pour le département. Nous, c'est à peu près 8 millions d'euros de budget. Et cela pose aussi des difficultés parce que vous avez des jeunes qui auront fui leur pays et qui auront vécu des choses, bien sûr, dramatiques, que vous allez retrouver dans certains endroits avec des jeunes qui auront été extraits de leur famille pour des problèmes sociaux, etc. Et du coup, le mélange se passe pas forcément bien. Donc ça, c'est une des difficultés qui peut être réelle. Et aujourd'hui, nous, les départements ont du mal à le gérer, sachant que c'est un désengagement de l'État. Normalement, c'était à l'État de s'en occuper. Mais il a dit que c'était au département de les prendre en charge sans donner, évidemment, les financements nécessaires. Et puis aujourd'hui, on a une autre chose qui est un petit peu compliquée, c'est que normalement, ces dispositifs sont prévus pour les mineurs, c'est-à-dire les jeunes de moins de 18 ans. Mais aujourd'hui, vous avez des mineurs de 25 ans et qu'on n'a pas les moyens pour vérifier l'âge réel de ces jeunes étrangers, mineurs. Et du coup, ça crée des difficultés. Et dans le texte qui a été proposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron sur les réfugiés, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des possibilités de regroupement familial pour les parents. Et désormais, ce sera élargi aux frères et sœurs. Et nous, c'est quelque chose que nous avons dénoncé parce que nous considérons que ça va créer un appel d'air et que ça va créer des filières. Et justement, parce que s'ils viennent en nombre, si en plus c'est élargi, c'est que c'est facile d'arriver en France finalement. On est accueilli et puis pratiquement protégé, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, c'est surtout les mineurs, hein, je pensais. Oui, ouais. Oui. Alors pour le cas des mineurs, en effet, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos services n'ont pas les moyens d'effectuer les reconduites aux frontières. Il faut savoir que vous avez beaucoup de personnes en situation irrégulière qui peuvent avoir ce qu'on appelle des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire, mais qui ne sont pas appliquées. Et ça, faute de moyens. Faute de moyens. Alors, faute parfois de moyens, mais aussi parfois, je dirais, parce qu'on a les pays qui sont censés recevoir ces personnes en situation irrégulière, c'est le cas du Mali ou autre, qui font du zèle pour les laisser passer consulaires. C'est-à-dire que lorsque cette personne doit repartir dans son pays, il y a quand même des formalités administratives qui doivent être faites. On peut aussi parfois prévoir ce qu'on appelle des vols groupés. Et vous avez des pays qui, comme je disais, ne facilitent pas les choses. Donc, du coup, la personne se trouve un peu dans une situation de flou et ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Et nous, justement, les Républicains, nous avions proposé, par exemple, de conditionner l'aide publique au développement pour ces pays au fait de délivrer les laissez-passer consulaires. Parce qu'on ne peut pas avoir l'aide publique au développement, mais derrière, lorsqu'on leur dit, attendez, là, il faut faire les laissez-passer consulaires pour que ces personnes qui ne sont pas là de façon légale repartent, eh bien, il faut faire les documents administratifs nécessaires, sinon, comment on fait, quoi ? Vous estimez qu'on est en train de s'enliser, non, par rapport à ce phénomène ? Oui, je trouve, effectivement, là, les derniers chiffres montrent que la situation, en tout cas, s'aggrave. La situation s'aggrave et je n'ai pas l'impression que le gouvernement prenne la mesure de ce qui se passe. Deux petits mots de la zone, c'est un dossier que vous vouliez aborder aussi, la zone de sécurité prioritaire pour le bassin genevois. Mm-hmm. C'est en liaison avec ça ou pas du tout, non ? Alors, pas réellement avec les questions migratoires, mais donc cette zone de sécurité prioritaire, donc je l'avais effectivement portée pour le commissariat d'Annemasse et il concerne trois communes autour d'Annemasse, notamment Gaillard et Ambilly. Donc ça permet de donner des effectifs supplémentaires à nos forces de l'ordre. Bien sûr, c'est un besoin important parce que, vu de Paris, Annemasse, c'est une région qui, a priori, n'a pas forcément de difficultés. Sauf que, justement, nous avons une délinquance qui est là, qui est importante, avec des trafics de stupéfiants, avec des cambriolages, avec de la prostitution. Donc il faut vraiment donner des moyens justement à nos forces de l'ordre. Donc c'était le cas justement avec cette zone de sécurité prioritaire et continuer bien sûr d'accompagner nos policiers avec d'autres outils parce que aujourd'hui il faut savoir qu'ils sont en sous-effectif alors que la population sur ce territoire a augmenté. Et que donc, ils n'ont pas forcément tout le temps les moyens d'aller sur leur mission principale. Et il ne faudrait pas que ce soit au détriment du sentiment de sécurité de nos citoyens. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette proximité avec les frontières, encore une fois, suisse et italienne, fait qu'on a une délinquance importante. On est aussi, je dirais, sur le passage de la très grande délinquance qu'il peut y avoir sur le bassin de Lyon ou sur le bassin de Grenoble. Donc on est quand même sur un secteur très particulier et le fait d'avoir obtenu cette zone de sécurité prioritaire était finalement une reconnaissance justement de cette spécificité. Donc là, moi, j'ai de nouveau fait une lettre au ministre de l'Intérieur pour lui dire justement de ne pas oublier Annemasse et de lui accorder des effectifs supplémentaires. Je vous disais avoir rencontré le syndicat de police Alliance, mais également le commissaire. Eux ont besoin de ces effectifs pour que le commissariat puisse tourner correctement, pour que les victimes soient correctement reçues. Et moi, je me réjouis également que nous ayons pu obtenir un nouvel hôtel de police à Annemasse, parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'actuel n'était pas du tout adapté pour des raisons d'accessibilité ou autres, mais vraiment, les conditions d'accueil sont indignes. Et c'est pas possible que quand des personnes, des femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou d'agressions soient obligées de porter plainte avec sans un espace de confidentialité ou autre. Et cela, malheureusement, c'est encore aujourd'hui la réalité. Donc il était vraiment urgent et essentiel qui est un nouveau projet d'hôtel de police qui regroupe à la fois différents services, mais qui offre surtout des qualités d'accueil pour les citoyens, mais aussi un meilleur environnement de travail pour nos policiers, parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas pour ceux qui connaîtraient l'actuel commissariat d'Annemasse. On la sent, cette insécurité, dans ces villes qui sont proches d'Annemasse, Saint-Julien, qui est en frontière avec la Suisse. On la sent, cette insécurité, quand on se promène dans la rue ? Moi, sincèrement, je la ressens pas. Je me balade sereinement dans nos communes, que ce soit à Annemasse, que ce soit à Saint-Julien. Il y a eu quelques incidents récemment, mais je crois que la police a été très efficace. Il y a aussi des moyens qui sont mis en place par certaines communes avec de la vidéoprotection. Et ça, je crois que c'est vraiment un outil très positif qui permet d'aider et les polices municipales et les policiers ou les gendarmes pour résoudre les enquêtes plus rapidement. Donc je crois qu'il faut bien sûr utiliser et élargir ces moyens qui sont pour moi très efficaces, même si certains, vous savez, ils sont hostiles en invoquant des raisons de protection de la vie privée, etc., sur certains espaces publics. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait surtout preuve de leur efficacité, et c'est cela qu'il faut regarder. Mais il faut aussi bien considérer que ces secteurs-là, justement, ont beaucoup évolué et qu'ils sont... qu'on peut s'y balader en sécurité, même si certains peuvent parfois dire on avait eu à un moment donné, vous savez, certains partis politiques côté Genevois qui avaient parlé de la racaille d'Annemasse. Bon, je crois que c'était quand même assez réducteur et c'est loin d'être de correspondre à la réalité. Virginie, la problématique du transport, c'est aussi un sujet sur lequel vous souhaitez vous exprimer, parce que c'est vrai que les problématiques du transport, surtout dans le bassin genevois, c'est récurrent. Enfin, vous habitez Annemasse, vous voyez bien de quoi il peut s'agir. Et ça vient jusque dans le pays de Gex, on va dire, et où ils sont concernés également. Quelles sont les solutions? Bien sûr, on parle du CEVA, on parle du CHAL, on parle du tramway de Saint-Julien, mais... ne vois-tu rien venir, quoi? Alors, ces questions de mobilité, effectivement, elles se sont aggravées au fil des années. Moi, j'en parle parfois avec des frontaliers qui mettaient un quart d'heure pour aller sur leur lieu de travail. Et au fil des années, ils ont constaté qu'ils devaient mettre de plus en plus de temps. Quand vous voyez les embouteillages parfois à Bardonnay, c'est assez impressionnant. Moi, je suis toujours frappée lorsque j'entends certaines radios nationales qui font les prévisions de circulation le matin. Ils vous parlent de deux secteurs, l'Île-de-France et Bardonnay, enfin le secteur de l'agglomération genevoise. Mais c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, par exemple, un frontalier qui vit à Bonneville et qui va travailler en Suisse va mettre parfois une heure et demie. Donc c'est quasiment quelqu'un qui vit en Île-de-France et qui va travailler à Paris. Ça, c'est aujourd'hui la réalité. Donc ces problèmes d'engorgement des routes, bien sûr, ce sont une réalité. On a aussi le sujet de ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire que vous avez une personne par véhicule. Donc du coup, ça crée, je dirais, encore plus de flux de véhicules. Donc, bien sûr, les pouvoirs publics ont pris conscience de ce problème il y a un certain nombre d'années, que pour lancer, bien sûr, des projets de transport en commun, ça demande du temps. Surtout que, s'agissant de notre bassin, ce sont parfois des projets transfrontaliers. Donc, je dirais que ça rend les choses un petit peu plus complexes. Mais il y a différents modes de transport qui ont été prévus. Donc, on a parlé, bien sûr, des transports en commun avec à la fois les tramways, le CEVA ou l'Aimant Express, les bus à haut niveau de service. Vous avez aussi tous les dispositifs de parking relais qui ont été lancés et qui sont tous pleins. Enfin, moi, je suis impressionnée. À chaque fois qu'on lance un parking relais, on se dit est-ce qu'il va être rempli? Parce que c'est bien sûr l'idée lorsqu'on le département notamment a pu lancer des parkings relais. Et vous voyez, ils sont pleins. Donc les gens aussi ont changé leurs habitudes et font aussi de plus en plus de covoiturage. Ça, c'est aussi, je crois, quelque chose de positif. On développe aussi ce qu'on appelle les modes doux. On a inauguré la semaine dernière la voie verte entre Annemasse et Genève qui permettra bien d'utiliser cette voie verte pour aller en vélo, par exemple, sur son lieu de travail. Donc voilà, il faut travailler sur des modes différents. Après, bien sûr, à chacun de l'adapter en fonction de ses habitudes, de ses besoins, de ses horaires de travail. Je sais que faire du covoiturage, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est plus facile quand vous êtes travaillé en équipe et que vous avez quelqu'un qui vit à proximité de chez vous. Mais on voit malgré tout que les choses évoluent. Et moi, j'ai bon espoir qu'à partir de notamment l'inauguration du Léman Express, eh bien, ces phénomènes d'engorgement des routes diminuent et que les gens changent leurs habitudes, parce que c'est cela aussi qu'il faudra attendre. C'est-à-dire que si tout le monde continue à prendre sa voiture, c'est sûr qu'il n'y aura aucun effet, mais on voit en tout cas qu'il y a une attente de la part des citoyens. Moi, j'ai beaucoup d'administrés qui me disent on attend vraiment le CEVA parce que je crois que ce sera un soulagement pour eux, y compris en termes de temps de trajet qui sera diminué, en termes de sécurité. Donc il y a pas mal d'intérêts qui feront et qui inciteront, je dirais, les frontaliers actuels ou le reste de la population à utiliser ces modes de transport. Mais bien sûr, cela demandera un petit peu de temps pour que les habitudes changent. Ça va changer les mentalités, ça, oui. Parce qu'on est à une époque, c'est le tout voiture. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais ça va... on dit que ça commence à changer, mais c'est pas assez rapide. On voit encore les routes engorgées. Les gens qui vont bosser en ce qui nous concerne dans le pays de Gex, c'est infernal. Ils ne peuvent pas être à leur place. Mais de toute façon, il faut que l'intérêt, j'irais, il soit en termes notamment de temps. C'est-à-dire que si quelqu'un qui met une heure le matin pour aller travailler, et si demain vous lui dites ce sera 10 minutes et ce sera moins de stress, etc., parce que vous serez assis dans le tram ou dans l'élément express, vous pourrez lire un livre et du coup vous aurez moins de stress en allant au travail et vous aurez moins de temps, entre guillemets, à perdre que vous récupérez pour votre vie familiale ou votre vie professionnelle, ça je crois que c'est un vrai argument. Moi aujourd'hui, par exemple, j'ai des amis qui partaient le matin à 7h et qui posent leurs enfants à 7h chez la nounou et qui la récupèrent le soir à 8h. Ça, c'est la réalité de certains. Vous imaginez les amplitudes horaires également pour les enfants. Ce couple que je connais bien va s'installer à Ville-la-Grand parce qu'il y aura le CEVA. Et ils m'ont dit, mais nous, ça va nous changer la vie parce que on sera à un quart d'heure de notre lieu de travail. On aura moins de contraintes, on passera plus de temps avec nos enfants. Et aujourd'hui, je crois que les gens attendent aussi davantage, je dirais, sur leur qualité de vie et sur la qualité de vie, notamment dans la partie personnelle et familiale. Donc moi, je suis, je dirais, plutôt optimiste pour que les choses évoluent. Et sur ce gain de temps, bien sûr, sur les tramways et sur l'élément express, ce sera évident. Et après, sur tout ce qui est bus ou transport en commun, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des sites propres. C'est le cas des bus à haut niveau de service, c'est-à-dire une voie dédiée. Parce que si le bus, il se retrouve au milieu de la circulation et au milieu des bouchons, vous allez prendre le bus une fois, deux fois et c'est terminé. Alors que si le bus, il est sur une voie dédiée, il avance, il a des horaires réguliers, cadencés, il est à l'heure, une fois que vous l'aurez pris et que vous serez satisfait, vous réitérerez et c'est ainsi qu'on parviendra à diminuer ces problèmes d'embouteillage. On vous réserve une petite question subsidiaire. Retraité au volant égale danger. Y a-t-il vraiment une surmortalité des seniors sur les routes? Cause-t-il davantage d'accidents? C'est en tout cas les raisons avancées par la députée Virginie Dubu-Müller pour justifier sa proposition de loi. Son texte, qui sera débattu prochainement, vise à instaurer une visite médicale pour les conducteurs de plus de 70 ans. Alors, je vais vous dire quelque chose, Virginie. Sur le bassin que vous couvrez, ça a fait du remous. Hein. Oui. Ouais, par rapport à des gens que vous connaissez très bien. Oui, oui, oui. Juste une parenthèse, c'est un article d'aujourd'hui en France, du 25 avril. Voilà. Alors déjà, une petite rectification qui dit que le texte va être débattu prochainement, c'est pas du tout le cas. C'est une proposition de loi, comme on peut en faire un certain nombre en tant que parlementaire. Et pour ma part, j'en ai déposé 7 depuis le début de la mandature. C'était un texte que j'avais d'ailleurs déjà déposé en 2016, mais qui n'avait pas du tout été, personne s'en était aperçu, entre guillemets. Et là, il est ressorti. Je n'ai pas compris pourquoi à ce moment-là. Bon, mais juste pour revenir sur un peu l'état d'esprit et la raison pour laquelle j'ai fait cette proposition, moi, à la base, c'était vraiment partant à la fois d'un constat de ce qui se fait dans d'autres pays, justement la Suisse. Oui, il y a la Suisse, il y a l'Italie. L'Italie, le Portugal, c'est dès l'âge de 50 ans. Partant aussi d'un constat, je dirais, physique et physiologique, c'est-à-dire que pour tout le monde, à partir de 45 ans, il faut savoir que nos facultés physiques, physiologiques, notre mobilité, elles déclinent. Ça, c'est un fait scientifique incontestable. Qu'à partir de là, on sait qu'en France, le permis est attribué à vie. À vie, oui. Et donc, moi, l'idée de cette proposition de loi, ce n'est pas de refaire passer le permis, pas du tout. C'est juste, à partir d'un certain âge, de faire passer aux personnes quelques examens médicaux, je dirais, de base, hein, sur la vue, sur l'audition, etc., pour être sûr que vous êtes toujours en mesure de conduire. Donc, en plus, l'idée dans le texte, c'est que ce soit pris en charge par la Sécurité sociale, donc il n'y ait pas de coût. Moi, j'ai dit, et j'ai pris l'âge de 70 ans partant d'une moyenne par rapport à ce qui se faisait en Europe, mais j'avoue que j'ai pas je dirais, de doctrine en la matière et que c'est quelque chose qui pourrait évoluer, pourquoi pas 80 ans, mais je crois que, en tout cas, le sujet se pose. Moi, aujourd'hui, j'ai des personnes, des personnels soignants, par exemple, qui me disent « je connais quelqu'un qui a 2/10 et qui prend le volant ». Bon, c'est quelque chose qui m'interpelle. Par exemple, vous avez eu des cas de véhicules à contresens sur des autoroutes, c'était souvent des personnes d'un certain âge. Donc, moi, ce n'est pas du tout l'idée de stigmatiser qui que ce soit, mais c'est partant d'un constat et d'essayer de trouver une proposition. Après, pour l'instant, ça reste uniquement une proposition. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis très ouverte sur les questions d'âge. Et j'ai pas de... Voilà, 70 ans, c'était une idée parmi d'autres, mais là-dessus, elle pourrait évoluer. Mais je crois qu'il faut, en tout cas, prendre conscience de cela. Même si ça n'enlève pas, bien sûr, que en termes de sécurité routière, il faut continuer de faire des contrôles d'alcoolémie, les contrôles de stupéfiants. Qu'on sait également que chez les jeunes, on peut avoir plus d'accidents que sur le reste de la population. Donc, bien sûr, cela s'inscrit, je dirais, dans une politique globale en matière de sécurité routière. Mais qu'en tout cas, ce sujet, je dirais, aujourd'hui, il fait débat. D'ailleurs, il fait beaucoup débat et on m'interpelle beaucoup à ce sujet. Mais sachez, par exemple, que les conducteurs de transport en commun ou que les conducteurs de camions, ils le font déjà. Parce que justement, ils sont sur la route régulièrement et qu'ils ont des visites médicales pour être sûrs qu'ils puissent prendre leur volant de leur poids lourd ou de leur car, etc. Donc ça existe déjà et ils s'y plient, je dirais, facilement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont davantage sur la route que d'autres et qu'il faut être sûr qu'ils aient toutes leurs capacités et qu'ils soient en mesure de conduire. Et puis en parallèle, j'ai reçu aussi à mon bureau des personnes dont les conjoints ont été victimes justement de seniors et ces personnes, elles en font le combat de leur vie et ça, je l'entends aussi. Donc voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui fait discuter, qui fait débattre. J'entends que certains y soient hostiles. Pour l'instant, ça reste uniquement une proposition. Je ne suis pas sûre qu'elle soit inscrite également par mon groupe parlementaire à l'ordre du jour, sachant que j'ai déjà eu un texte qui a été examiné sur un autre sujet, sur les gens du voyage, et qu'on est beaucoup de parlementaires, donc ce n'est pas forcément la priorité. Mais en tout cas, moi, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez ouvert, et les gens sont venus me dire ce qu'ils pensaient en bien ou pas de ce texte. Donc voilà, ça fait débat. Mais il faut les faire rouler à 70 km/h, Virginie. Ah, alors ça, c'est un autre sujet, ouais, aussi, là. Les 80 km/h dès le 1er juillet, je crois. Oui, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. C'est encore une décision que je regrette, qui ne va pas apporter grand-chose. Il faut savoir qu'il y avait des études qui avaient été faites qui montrent qu'en termes d'accidents, ça ne va pas diminuer les choses. Mais pour moi, c'est vraiment l'illustration d'une mesure technocratique qui est prise de Paris et on l'applique à tout le monde pareil. Sauf que, vous savez, ce sont les départements, en principe, qui sont en charge des routes et que ce sont quand même eux qui sont les plus à même de connaître les portions accidentogènes et de les aménager par des ralentisseurs, par différents moyens, lorsque vraiment ce côté et ce risque d'accident est prouvé. Donc là, on prévoit une mesure appliquée à tout le monde. En plus, le président de la République nous a dit que finalement, il allait faire de l'expérimentation et que peut-être, au bout de 2 ans, on reviendrait dessus. Alors, moi, je veux bien, mais lorsqu'on va demander au département de changer tous les panneaux, il faut savoir que, par exemple, ça coûte un saladier, la Haute-Savoie, c'est 300 000 euros. Les chiffres sur la France, c'est de 5 à 10 millions. Enfin, on n'a pas forcément... Enfin, c'est une fourchette qui est quand même assez large. Et ce serait pris en charge par l'État, puisque le Premier ministre a dit que ce serait pris en charge par l'État. Mais vous voyez, moi, je trouve que la plaisanterie coûte un peu cher si dans 2 ans, on nous dit, non, finalement, on revient en arrière et on va rechanger les panneaux pour revenir à 90. Je me souviens, ça avait été pratiqué en Espagne, ça. On avait été en Espagne, j'ai ma fille qui habite là-bas. On avait été en Espagne, on y va, c'était 110. L'autoroute, c'est 110. Non, 120, pardon. Et le laps de temps qu'on est resté en Espagne, je suis revenu, les panneaux, c'était marqué 110. Ah oui. C'est-à-dire ils avaient descendu la vitesse de 10 km/h, expérimentation, parce qu'ils sont revenus après. Alors, ils n'avaient pas tout changé les panneaux, ils avaient simplement mis des autocollants sur les anciens panneaux. Voilà, bon, moi, ça coûte moins cher. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de solution. Enfin, pour la mortalité, il n'y a pas de solution. Je suppose que non, quoi. Enfin, pour limiter, si, il y a peut-être des mesures, mais ça, c'est ce qu'on pourrait appeler... une mesurette, non ? Oui, c'est une mesure d'affichage, absolument. Moi, je reconnais que cette question de la sécurité routière, elle est importante. Et souvenez-vous, à l'époque, c'était quand même Jacques Chirac qui avait fait beaucoup, puisqu'à une époque, on était à quasiment 10 000 morts par an sur les routes. Et grâce aux mesures de Jacques Chirac, qui étaient du reste assez impopulaires, on a vraiment pu diminuer de façon substantielle la mortalité sur les routes. Aujourd'hui, les chiffres se stabilisent, voire augmentent. Donc le gouvernement essaye de trouver d'autres mesures. Mais sincèrement, la diminution à 80 km/h est loin d'être une réforme pertinente. Et surtout, je dirais, un certain nombre de rapports qui ont été faits, notamment par des sénateurs, démontrent le contraire. On a parlé des migrants et pas ou peu des gens du voyage. Vous connaissez le même problème. Ça n'a rien à voir, attention. Non, les gens du voyage, mais c'est un phénomène que vous connaissez forcément dans tous les territoires, nous de notre côté aussi, côté département de l'Ain, mais Haute-Savoie aussi, bien sûr. Mais pour apporter un peu d'eau à votre moulin, s'il fallait apporter de l'eau, moi, vous savez, on a des gens de voyage qui sont installés sur Bellegarde. J'en ai particulièrement... J'ai deux familles. Enfin, c'est une famille avec... elle est composée, ça fait deux familles. Elles sont allées à 50 mètres de chez moi. Je vous jure, ce sont des gens qui sont hyper sympathiques. Hyper sympathiques. Moi, je n'ai pas à me plaindre de ces gens-là. Ils sont là, disent bonjour. Les gamins viennent jouer dans la cour. Je veux dire, c'est les communs des mortels. Il y a pas mieux, quoi, j'allais dire. Oui, bon, mais ceci dit, il y en a d'autres, c'est pas tout à fait le cas. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous, Guy. C'est-à-dire qu'il y a des familles pour lesquelles ça se passe très bien. Ils viennent s'installer parce que vous savez qu'il faut passer par la préfecture lorsque vous avez une communauté qui vient s'installer. Elle s'installe de façon licite sur le terrain prévu. Elle va rendre le terrain propre et en état. Donc avec ces communautés, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a aucun problème. Parfois, ils vont scolariser leurs enfants, etc. Donc il n'y a aucun problème. Moi, ce que je dénonce avec un certain nombre d'élus, avec les agriculteurs, avec aussi une large partie de la population, ce sont ceux qui viennent s'installer de façon illégale, sur des terrains privés ou publics et qui posent de très graves difficultés, des troubles bien sûr à l'ordre public et surtout qui génèrent des dégradations très importantes sur ces terrains qui sont ensuite soit à la charge de la collectivité, soit du propriétaire. Lorsque c'est un agriculteur, c'est son outil de travail et ça, c'est absolument inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle, avec nos collègues sénateurs, Jean-Claude Carle, Loïc Hervé, Cyril Pelva, et puis avec mon collègue Martial Sadi à l'Assemblée, nous avons déposé une proposition de loi, à la fois, je dirais, pour moderniser les procédures actuelles, à la fois pour aggraver les peines, et aussi pour proposer, je dirais, aux forces de l'ordre des moyens plus réactifs, notamment des amendes forfaitaires délictuelles qui permettraient de délivrer des amendes lorsque vous avez une installation illicite. Nous avions également prévu la saisie des caravanes, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut toucher au porte-monnaie. Et lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, celui-ci a complètement été détricoté par les députés de La République En Marche. Il faut savoir que notre texte, au départ, avait 11 articles et qu'ils en ont supprimé purement et simplement 6. Ah ben oui, mais donc, ça n'a plus de sens. Tous les outils qui étaient vraiment pertinents, qui avaient été travaillés avec le procureur, avec les élus, avec les différents acteurs concernés et qui répondaient vraiment à nos problématiques locales, a été complètement vidé de sa substance. Donc nous l'avons bien sûr regretté. Nous n'avons pas pu terminer l'examen du texte parce que, vous savez, ça se termine à 1h du matin. Donc nous avons demandé de le reprogrammer au mois de juin pour la prochaine niche des Républicains. Donc c'est une séance en fait qui est réservée à un groupe de l'opposition. Donc nous continuerons le débat, mais nous souhaitons vraiment que les députés de La République En Marche, nous aide. Moi, vraiment, c'était l'esprit de ce texte parce que pour qu'un texte puisse être appliqué rapidement, il faut qu'il soit voté de la même façon par les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Et si le texte n'est pas modifié entre les deux, vous avez ce qu'on appelle une lecture conforme. Ensuite, ça peut aller vite et il peut être promulgué et entrer dans le droit commun. Donc à partir du moment où il a été détricoté par La République En Marche, forcément c'est pas une version conforme. Et s'il est adopté en l'état, ça veut dire on refait une navette au Sénat, etc., etc. Et donc on perd du temps. Sauf que nous, on a besoin bien sûr de mesures urgentes. Je dirais que la saison entre guillemets des gens du voyage et de ces installations illicites a malheureusement déjà commencé sur la Haute-Savoie et dans l'Ain et le Pays de Gex. Je sais que vous avez aussi ce cas qui sont assez récurrents. Et moi, ce que je constate, c'est que les tensions sont là, sont de plus en plus importantes. Et je ne voudrais pas que ça se termine par un drame. Vous savez que vous aviez une élue, qui est d'ailleurs ma suppléante, maire de Nédan, Caroline Laverrière, qui avait fait l'objet de menaces par une personne de la communauté des gens du voyage, qui avait tiré un coup de fusil en l'air. Cela, c'est absolument inacceptable. Ouais, donc cette personne avait été condamnée et avait eu de la prison. Mais on ne peut pas continuer à supporter ce genre de comportement. Ça crée aussi des désagréments et des inquiétudes dans la population, parce que moi, les gens me disent « nous, si on va dépasser de 5 minutes notre stationnement, on va avoir une amende ». Et puis ces personnes qui sont en situation illégale sur des terrains, qui vont se brancher n'importe comment, qui ne payent pas leur eau, leur électricité, eh bien, on les laisse agir. Et ça, ce n'est pas acceptable. On est dans un état de droit. Il faut faire respecter les lois actuelles. Et comme sur ce projet en particulier, sur ce sujet en particulier, les lois ne sont pas suffisantes, eh bien, nous avons proposé un texte justement pour donner à la fois aux forces de l'ordre, aux magistrats, des moyens supplémentaires de régler le problème, parce que moi, je suis inquiète pour la suite de l'année. Les élus, en tout cas, les élus ou les maires des communes sont bien désemparés quelquefois. Quand ils voient des gens du voyage arriver, 10, 20, 30, 40 caravanes, il faut qu'ils aillent au-devant de ces gens-là. Ensuite, on fait appel au préfet. Ça prend 48 heures. Exactement, il y a toutes des procédures qui sont très longues. Exactement. Et nous avions prévu aussi un système pour éviter ce qu'on appelle, entre guillemets, communément les sauts de puce. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle des sauts de puce, c'est-à-dire que vous avez une communauté qui va se mettre dans une commune. Oui. Le temps qu'on lance la procédure d'évacuation, elle va s'installer à côté, etc. Et nous, l'idée, c'était que sur un même périmètre, notamment d'une intercommunalité, eh bien que lorsque le préfet avait fait une fois la procédure, elle s'étende au reste, pour éviter de recommencer à chaque fois cette procédure qui est assez lourde, qui fait perdre du temps, etc., etc. Et cet article, c'était l'article 5 de la proposition de loi, a été supprimé. Et nous, malheureusement, ce phénomène, aujourd'hui, c'est une réalité récurrente. Virginie Duby-Muller, l'heure avance. Vous n'allez pas à Paris cet après-midi, non? Non, c'est pas prévu. On reprend la semaine prochaine. Vous n'allez pas faire la fête? Non. Oh, la fête à Macron, vous n'allez pas en profiter? Non, pour c'est un an, a priori, je ne suis pas invitée. Encore un petit mot avant de clore, parce que vous y teniez, juste avant l'émission, vous nous l'avez dit, au moment où on buvait le café, c'est cette association J'adore cette ambiance. Oui, la team J'adore cette ambiance, dont je suis la marraine avec Pascal Duprat. C'est une association locale qui est bien connue et qui avait été créée suite au décès accidentel d'Alan Saillet, qui était mort lorsqu'il était au travail sur le pont de Vieson, et les freins avaient lâché. Malheureusement, il est décédé accidentellement à l'âge de 30 ans, laissant un enfant. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de rencontrer ses parents, sa famille, et ses amis ont souhaité lancer cette association en sa mémoire. Et cette association va faire un certain nombre d'actions, et les fonds récoltés vont permettre d'aider des enfants, soit qui ont un handicap, soit qui sont orphelins, soit qui ont des maladies. Et moi, je tiens vraiment à les saluer, à saluer Romu Ferret, qui est le président, qui est une personnalité. Et voilà. Un cas. Oui, absolument. Par exemple, ils sont intervenus aussi au niveau de l'hôpital à Métessy, juste avant Noël, pour aller voir les enfants, leur apporter un petit peu de bonheur. Et moi, je suis très sensible à ce qu'ils font. Je tiens à les encourager. Et la semaine prochaine, ils vont faire un karaoké à Franklin. Donc voilà, ce sont des petites actions qui, derrière, permettront d'aider des gens concrètement sur le terrain. Et ce sont tous des bénévoles, ils sont très motivés. Et moi, je tiens vraiment à les féliciter et à continuer, bien sûr, à les encourager et à les soutenir. On terminera sur cette bonne note plutôt que sur le plan national qui, parfois, est un peu compliqué. Et moins réjouissant. Et moins réjouissant. En tout cas, merci beaucoup, Virginie. Merci à vous deux. De nous avoir accordé 1 heure et 24 minutes. 3 minutes. 4 minutes, voilà. C'est exceptionnel pour nous. Merci de votre Merci de votre accueil et de cet échange. Bonne route, en tout cas. À bientôt. À très bientôt. Et à très bientôt.